Au volant, il est préférable d'être tout à sa conduite. Et s'il est vrai qu'à 90% les informations utiles au conducteur sont fournies par les yeux, l'ouïe n'est pas superflue pour autant. Sauf avis contraire, il n'y a pas d'incompatibilité entre déficience auditive et pratique de la conduite. Toutefois, un coup de klaxon, la sirène des pompiers, le cri d'un enfant, le pot pétaradant d'un scooter sont autant d'indices sonores qui peuvent contribuer à maintenir notre vigilance en éveil. Donc, écoutez l'autoradio à une puissance raisonnable. Mais jouez aux autistes avec des écouteurs, là, franchement. Donc, écoutez l'autoradio, oui, à une puissance raisonnable. Mais jouez aux autistes avec des écouteurs, là, franchement, non. Réponse